Bonjour à toutes et à tous. Je réalise depuis plusieurs mois une version audio du Progrès de l'Est, journal qui a vu le jour à Sherbrooke le 25 août 1883. Je présenterai ici ces articles tirés du Progrès de l'Est qui parlent de ce qui se passait dans notre région à l'époque. Cet extrait, tiré de l'édition du 1er septembre 1883, parle d'un citoyen qui braconne près de Johnville. Les lois concernant la protection des habitants de la forêt sont peu respectées dans cette partie du pays. On rapporte qu'un chasseur a tué 6 perdrix l'autre jour dans le voisinage de Johnville, malgré la défense faite de tuer ces oiseaux avant le 1er septembre. On dit que le même individu a poussé la barbarie jusqu'au point de tuer 2 grives qui étaient dans l'habitude de faire leur nid dans le jardin du voisin depuis plusieurs années. Où sont donc les gardes chargés de faire respecter la loi ?